Il est 21h aussi tout de suite, Trip in Progress, présenté par Nicolas. Out of time. We'll be right back.